Pourquoi tant de crainte? Pourquoi tant de frayeur? Pourquoi alors remettre en question notre amour? Pourquoi tu en l'avenir qui te fasse si peur? Pourquoi cherches-tu donc à compliquer toujours? Mais je m'étais habitué à devoir affronter ces manifestations de ta psychotimie. Attends patiemment ton moral remonter et profiter enfin d'une nouvelle accalmie. Je ne peux te promettre des mots et des merveilles, ces promesses faciles que l'on ne tiendra pas. Se noie dans la mer comme des messages en bouteille. Je sais bien que d'autres usent de tel appât. Je m'étais habitué à devoir pas sans honneur. Je m'étais habitué à devoir affronter ces manifestations de ta psychotimie. Attends patiemment ton moral remonter et profiter enfin d'une nouvelle accalmie. Seul peut trancher, stimulant parfois l'un, retenant parfois l'autre. Mais tu ne sais même pas où il faut te ranger, secoué par la vague de l'amour. Je m'étais habitué à devoir affronter